Tu crois que t'es un homme car tu portes du Dolce Gabbana. Banal, moi je bronze sur les plages de Copacabana. Avec un gros sourire, y'a du soleil sous les tropiques. Les rappeurs français sortent des albums et font des gros bides. Je suis là pour gagner, la musique m'aura pas. Le jour où ça paye, j'achète un lion, je le pose dans le salon de la ragba. Rabat, complet portant pierre, ça nous fait de l'ombre. Un grand danger pour la justice, parce qu'à cette puis je suis béton. On a fait le tour de France, quasiment le tiers du tour du monde. Demande combien de folies, trois fois par semaine, on voit des manques d'argent. Voilà, fin de la vie, mon gros, qui arrive à grands pas. Je balance, qui traîne tous les jours en bas. Ouais, je m'en bats les couilles, si je l'ai fait de la peine. Plutôt que sucer des bites, je préfère prendre 10 balles dans la tête. Le sommaire, tout niqué mondialement. Pas de featuring avec Econ, je volerai quelques diamants. Oh. Et leur faire du mal, dis-moi qui n'a pas raison. Je baisse en 40 kills quand je m'assois sur ma cargaison. Propriétaire de ma maison, t'inquiète, Ray, on le veut tous. Tu caches encore, tu caches histoire d'avoir un peu tout. C'est mon petit côté bâtard, dis pas que j'ai pas d'âme. Je te fume après ça, je fais mon petit concert au madame. J'ai la tête dans les chiffres, ne me parlez pas de l'être. Non, ne me jugez pas, je suis qu'un homme fier de l'être. Une forte envie de repasser, en plus t'es déjà vu mort de mon passé. Blasé, assez, t'as fait brasser, pas fait casser pas les couilles. La crime et le compte des ennemis me le comptera pas les douilles. Grouillard, normal que tu te refroidisses si tu n'es pas bruyant. Ne me parlez pas de ton chef quand les titres la tête, il connaît sa chef. Ouais, son grand c'est pas de ma chaîne, mon place en gros sur le dos de ta chaîne. Des fois je me pose en Espagne, des fois je me pose à Nantes. Je suis avec Aziz, la Düsseldorf dans une grosse allemande. Je te refais des beaux clips, si t'en redemandes encore. Là je rentre à Paris, je passe à Marseille et je repars en Corse. Dans le corps, je mets de balles, je suis dangereux, limite pas, les mecs de bar. Rue 9-4, tu luttes encore, un nid de barge, panique pas, ça risque pas d'échouer, d'échouer, un guet-apens, et battant, un petit battant, de jouer, dévoué, pour la rue, j'en ai mangé, des coups de fouet, de se fouer, on s'arrête pas, donc on sait pas, refloué, de leur faire du mal, dis-moi qui n'a pas raison. Je baisse en 40 kills quand je m'assois sur ma cargaison. Propriétaire de ma maison, t'inquiète, Ray, on le veut tous. Tu caches encore, tu caches histoire d'avoir un peu tout. C'est mon petit côté bâtard, dis pas que j'ai pas d'âme. Je te fume après ça, je fais mon petit concert au madame. J'ai la tête dans les chiffres, ne me parlez pas de l'être. Non, ne me jugez pas, je suis qu'un homme et fier de l'être. Une dédicace à sa prix, personne ne mord mais tout sa voix. Dans le milieu du rap, combien sont frais, combien traînent à poil. Ma foi, une liasse de sang comme célébration. Oui, je vais jouer le rap sans même le faire de pénétration. Action, vérité, j'ai mérité le chèque. Même si tu butes de la chatte comme la plus grande aspect du texte. Tellement des crackers que la mettre n'a plus un trou de balle. Mais un chauffeur, écoute l'approche, je suis un navette spatiale avec un chauffeur. De leur faire du mal, dis-moi qui n'a pas raison. Je baisse en 40 kills quand je m'assois sur ma cargaison. Propriétaire de ma maison, t'inquiète, Ray, on le veut tous. Tu caches encore, tu caches histoire d'avoir un peu tout. C'est mon petit côté bâtard, dis pas que j'ai pas d'âme. Je te fume après ça, je fais mon petit concert au madame. J'ai la tête dans les chiffres, ne me parlez pas de l'être. Non, ne me jugez pas, je suis qu'un homme et fier de l'être.